Ce qui nous amène à notre chronique qu'on n'a pas fait depuis un bon bout. Je vous dirais que ça fait depuis le mois de mars qu'on n'a pas fait cette chronique-là. On l'avait fait pendant... ça fait longtemps. On l'avait fait pendant un bon bout de temps. C'est une série limitée sur plusieurs semaines. On avait fait une session, je pense, proche d'un an de chronique comme ça. Mm-hmm. Et on avait arrêté parce qu'on n'avait plus de matériel à mettre dedans. Et là, comme a changé, l'émission a eu beaucoup de nouveautés. On rénove tout le temps cette émission-là. Donc, on ramène la chronique qu'on écoute, les intros des chroniques des autres. C'est cool. C'est vraiment le fun. Voici les paroles des autres. Et cette fois-ci, c'est l'intro de la chronique qu'on vient juste de faire en direct. C'est une grosse pointe en dresse et je dois vous avertir qu'elle s'adresse à un public, mais extrêmement averti. Oh! Mais d'habitude, je dis plus ou moins averti, là, c'est vraiment averti. Écoutez ça. Yeah. la chanson thème de la chronique, une grosse pointe d'allégresse. Un peu moins fin. Pour ceux qui n'ont pas écouté les paroles nécessairement, parce qu'il y avait un petit filtre sur la voix qui pouvait cacher, un peu masquer toutes les nombreuses vulgarités. Retrouvez les paroles que j'ai postées sur assemblagerequis.com. C'est la chanson Pointe d'allégresse par le groupe Gatineau sur l'album Gatineau, sorti en octobre 2007. Encore une fois, pour un public averti, l'écoute de cette chanson-là, mais une fois qu'elle est écoutée, vous avez déjà été averti, fait que ça sert à rien c'est de vous... Ça. Mais assemblagerequis.com, et on fait les paroles des autres. Pour l'instant, je pense qu'on va le faire régulièrement, Assemblage Requis, ben oui. Sous format de série limitée. On a tellement eu de nouvelles collègues depuis les derniers mois qu'on peut se permettre de faire ça, genre une bonne dizaine en banque. Cool. Les paroles des autres, on explore un peu les chroniques et émissions de l'univers Mathieu Plante.